يلا فنزل دوز العنشة قلبي شريهم لبعيد تشالي C'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. C'est la fiesta, dirouhena, ambiance kaina, kulchi m'aina. C'est la fiesta, dirouhena, ambiance kaina. Bouge pas mon Lydia comme il faut. Fais-moi si tu as, c'est pas grave si tu penses. Suprême en direct sur Skyrock. This is the remix. Mais que je m'ouvre les yeux, me guide vers la foi. La logique, wallah, j'ai pas appris.

famille, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Soit t'es riche, soit t'es pauvre, tu t'amuses comme un dingue, même si tu n'as pas de l'eau. Bienvenue au Maroc, c'est ici que je m'imagine. Je m'entame de vos départements, je représente mes origines. Bienvenue au Maroc, Marbabé Koum, feu bledi. Les lions de l'Atlas sont dans la place, c'est Aïdil qui me l'a dit. Bienvenue au Maroc, et y'a la sûreté nationale. Et si tu pour qu'un point, moi je te dis ça va faire mal. Bienvenue au Maroc, si tes touristes ramènent la thune, les marchands comprendront malgré les toutes petites lacunes. Bienvenue au Maroc, bienvenue dans mon pays. Mais les warnings et klaxon, je vais tirer 330 filles. Bienvenue au Maroc, et y'a du chemin, y'a du miloui. Et si tu kiffes ta meuf, achète une bague, vas-y, mets-lui. Bienvenue au Maroc, c'est là que j'achète mes fausses baskets, que je recharge mes disquettes. Tout le monde le sait, pour que tu fasses, que tu sais. C'est le pays de l'évolution. Dans nos rues, là, tu trouves de moins en moins de corruption. Bienvenue au Maroc, y'a les chlouchers et les rifles. Tout le monde respecte, personne ne se terrifie. Bienvenue au Maroc, y'a les petits taxis et y'a les grands. Pour pas te faire tarna, faut pas parler, c'est franc. Bienvenue au Maroc, y'a les jubilés, les sahlaouis. Ben oui, t'inquiète, poto, j'oublie pas les kazaouis. Bienvenue au Maroc, et la capitale, c'est Rabat. Y'a cela, Knetra, tu devrais passer par là-bas. Bienvenue au Maroc, y'a les bislards et les mecs Nia. Un petit conseil, ne laisse jamais traîner ta bnia. Bienvenue au Maroc, et y'a des bêtes de gamos. Et si t'as mal au ventre, c'est t'as trop mangé de colos. Bienvenue au Maroc, j'suis un pur mec nazi. Et tiens pas toute ma vie à tous les mecs nés ici. بلادي المغرب من غير وما عندي حبيب بلادي بلادي المغرب من غير وما عندي حبيب minuit 1h minuit 1h c'est Ray Suprême mixé par DJ K sur Skyrock. Bienvenue chez nous, bienvenue chez les siens. Aéroport, Waribou, Médienne. Incognito avec ma tête de Bilka. Mon regard vers mes claquettes et ma plaquette de Milka. Je rejoins les frères du 7-5 ou du 0-13. Zéro stress, cool, j'arrive au bled, boule à zéro fraîche. Au Sheraton, je me taille la barbe à la Babilis. Baba, ouais, c'est l'assassin, t'as la cabine. Ne touche pas, moi et ma clip de Kouchta. J'ai nommé DJ Mousse, Karim, Nabil et Bouchta. Ça vient d'Alger, de Tunis, de Ouzda. Dans mon film, Harry Potter, j'ai les porteurs de moustaches. Mais

قاعدين نعيشه كذبة في فوبالا دي فجر نجر مانجو مكر ما نعرف مونجالا دي فجر نجر ماما مانجو مكر نجر ماما هوني خنجة برشا غمة فات كلام جيب كلام فضل ايه ماما فما سلام لومتني كيما فما ملام رسم التانكس ديما قدام بتبيعتو الدور وفي جيبي ماخداش الهف بتبيعتو صغري كبري تعدى شيخة مخي خف بتبيعتو راسي زمزم كمل عزي روح لف عنا كان ضربين صباح مش الناس كل قرات هوني تاكل بيت هوني تاكل الابوش مات لي ما عجبو يتكلات هوني كلها كيف كيف نمبر وان يا عفات هوني مازال العرض قديم يا متع الله يا الكريم هوني لعم الدم بهيم ليب وزك خارج رحيم هوني نهار العيد مسرحية الزعيم هاني ندبهم هوماني زنقة الشيطان ترى ولاد الحومة لك شمعة ما توحلش اختاك اختاتي حتى من ربع ساعة وليت الكعم شربة يولي ينفخ عالصلاة عيشة درغة منقص قاتة بلديني كذبة شوكولاتة يزي من دمعة سيالة يزي من لفالة يزي مكلة الوكالة قداش من واحد فينا لعبوا له لعبة شنقالة ولا بجنب الحيط نمالة على كلا مجالة تجست قرب مرحله بترجل كينا في القلب ما عدش تاكل لغه الدرب بدني مخي تخرب من ظالمني بيح وكلب ادخل لحو مناتي قرب من ريحتك لعبت تتهرب كيف حيح خطوات زرب لبدا كانت الناس خايفين خايفه كانت الناس لابدين لا تحب لا تمنى خانك الزمن هوني ما فما لا فما لا فمنا عشنا طحنا قمنا نلقى وروحنا في الدبو تحبونا شكون نسبو دي شكون تحبونا نسبو يعني ندبهم راك ماسكة راك لاسكة راك سمعة الخامة شيخ شراسكة راك ماسكة راك لاسكة راك سمعة الخامة شيخ شراسكة هوماني Guest Mix, tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock.

حسن سوات في توين النوم ذوق دسنس حنت هذي يكوي وذروم ثروة غات صغلت تال وذاق دوم يا لا لا دا يا لا لا يا لا لا مسات في تفور طالوف تريسي كير يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يوهد السرد مور طالوف تريسي كير يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا شوكاغ يبغات كار نغات قمو الشنقات يمات محالات نتسو كير بزان ساعات صارين تبدو عاوزينا نتقمات ذاك سيدات تنوغ ورشوكاغ يبغات كار نغات قمو الشنقات يمات محالات نتسو كير بزان ساعات صارين تبدو يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مسات البيت فور طالو في ريسيتير يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا يوغل السرد امور طالو في ريسيتير يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا مسات البيت فور طالو في ريسيتير يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا يوغل السرد امور طالو في ريسيتير شي غشي غشي بنيتي بدي باسي نعطيها فناشي ونقولك شاقلي راسي غشي غشي غشي بنيتي بدي باسي نعطيها فناشي ونقولك شاقلي راسي مصاجر يا راسة واللي خرب فينا باصة ماشي من وين وحتى فقور ما رشينا مصاجر يا راسة واللي خرب فينا باصة ماشي من وين وحتى فقور ما رشينا هم والفيل بالمحنة والشدة فيك مولانا فكري كيفاش كنتي يا المنهوفاك كنتي يا المنهوفاك كنتي نهار جيتي من البلاد العربيات بلدتي والي صور يا عيني يا بيت تكون حدايا شيرين ما دام Une heure de mix 100% rail. Rail suprême. C'est seulement sur Skyrock. Merci pour cette soirée, Case. Merci à vous. On se file en quart la semaine prochaine. Allez, ciao. C'est reparti, le son de Skyrock.